mais c'est alors que réapparaît dans sa luste. Ressortant le deuxième billet qu'il a dicté à Rublas et lui a fait signer de son propre nom, il lui rappelle sa condition et son rôle.